إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Nous voici, on va continuer là, de nouvelles règles, après qu'on ait pris les anciennes, le ders, thalith, as'alouk, sari'an. Je t'interroge vite fait. Ma ou l'aslou, fait les choses qui sont liées au sol, les eaux, ou à l'alika. L'aslou, fait ha ma ou. Nous, halal. Halal? Non, non, tahir. Tahir, laisse tahir. Tahir. Tahir. Tahir. Tahara. Tahir, là-bas c'est question pure. Et tout ce qui est viande, eau, vie et bien du ma'soum, eau, les femmes. Ça, ça, ça c'est le tahrim. Le tahrim. Ça nous est interdit, donc on n'a pas une preuve pour que cela est halal. C'est quoi le asl dans les adat, les coutumes et les choses mondaines? C'est halal tant que ça ne contredit pas la sharia. C'est halal tant qu'on n'a pas une chose qui nous est interdite. Et le contraire dans les ibadah, c'est haram. C'est haram, donc on n'a pas une chose qui nous permet de pouvoir le faire. ما معنى وسائل الأمور كالمقاصد في المواجهة قبل الجمعة دي des actes accomplis. Ça veut dire quoi ça? Ça va donner l'exemple de اختصارا. Une voiture. Si tu si t'es dans un endroit, tu dois aller au masjid. Le seul moyen pour toi de faire ta salat à l'heure, c'est de prendre ta voiture. Et ben, ça devient obligatoire pour toi à ce moment-là de la prendre. Yani le moyen qui te permet d'accomplir un acte pour ton jugement. Si un acte ne peut être accompli par une chose que par un moyen qui est légiféré, ce moyen, un acte obligatoire, ce moyen devient obligatoire. S'il est recommandé, ce moyen devient recommandé. Et pour le jugement de l'acte pour lequel tu vas accomplir. Hein? S'il n'y a que celui-là. Non. Tu avais dit la dernière fois que c'était bon. Tu as dit c'est bon. Ah, c'était bon, hein? Juste généraliser ta phrase. Non, parce que la dernière fois, tu m'avais dit que cet exemple-là, c'était peut-être pour notre truc. Non, c'était au début. Ah, ok. Quand. Anal. Mour, puis ma classe, il y a. Ah, oui. Ça, c'est Namal Amal Beniat. Ma hukman yukhti, ou yansa. Celui qui se trompe, qui fait une erreur, notamment qui oublie, ou qui est mukrah, qui est contraint. Mal hukm. Ma fi haram. Ma haram fil ikra ou fil khata ou nisya. Il n'y a pas de wajibat qui sont dessus. Là, ça c'est une autre chose qu'on a codé. Okay. Ça, et sauf que la personne n'a rien à faire, sauf si elle a des dommages à. Elle fait ça envers une personne, elle doit la dédommager. Ça n'empêche pas de dédommager la personne si elle fait. Et il ne prend pas le péché, tout ce qui est fait involontairement, indélibérément, ou par contrainte ou par oubli. Mais s'il y a eu des dommages qui ont été faits, il doit dommager. Mais lui, il n'a pas de péché ce qu'il a fait. Kain Amel Biniyat. Lui, ne savait pas ce qu'il a fait, il n'a pas fait exprès. طيب نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرف معمور به إذ ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. Ça c'est une qu'on a fait au début dans les قواعد الكبرى الخمس. ما هو que le عرف est effectif lorsqu'on n'a pas de chose qui est limitée par la religion, on n'a pas un dalil sur une chose que le عرف peut-être plus en considération, la coutume. C'est sur quoi les gens y vivent. Et ça, c'est quoi la règle? Al-aada muhkama. Al-aada muhkama. Et la coutume, c'est sur quoi les gens sont basés habituellement et pris comme juge. Wa dalil, qu'Allah wa azawajal, wa aashiruhunna bil ma'ruf. et vivait avec elle de façon convenable, c'est-à-dire comme si elle est connue. Car le urf diffère de pays en pays, de tribu en tribu, de génération en génération. Tant que ce urf, on précise bien, ne vous pose pas un dalil. Demain, une situation, on n'a pas de dalil qui décrète, délimite une chose, on se base sur ce que les gens font. Il donne l'exemple, Bathalel, Sirat al-Rahim. Sirat al-Arham. Quand est-ce qu'on peut considérer que tu gardes, tu entretiens les liens de parenté? Cela est basé sur le Rof. T'as des A'raf, s'il faut que tu, par exemple, t'as visité tes parents, toutes les semaines. C'est une fois par mois. C'est un appel par mois. Ça dépend des Rof. T'as des parents, si tu ne veux pas les voir une fois par semaine, pour eux, ils considèrent que tu as assez été élu. C'était moins comportant envers eux. T'en as d'autres, c'est pas pareil. Tu vas les voir une fois tous les trois mois et eux, ils se contentent de cela. T'as fait ta chose. Donc quelqu'un ne veut pas te dire, depuis quand là, tu peux visiter tes parents, ça fait une semaine. Il fait, A'oudhu Billah, Adam, Misilat al-Rahim. Tu dis, non, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est tel et tel, où mes parents sont habitués à ce que je me comporte avec eux. Je viens les visiter une fois, tous les kaza et kaza et kaza. Ça vient au rôle. Ou des fois des termes employés dans cette situation, ça revient au rôle. Quand on n'a pas un texte qui dit comme ça telle chose. Ava. Le mahr. Le mahr, on a une sunna lors du mois de Zawaj. Combien le Nabi s'en l'a payé. Mais ce n'est pas une chose qui était rendue obligatoire. Après, il y en a, ils disent que le ulama, c'est makrouh de faire plus que lui. Et d'autres disent le mahr, il y a un urf chez les gens. En tel pays, le urf, c'est le mahr, c'est tant et tant et tant. Et ça avait également tout mode de vie. Un pauvre n'est pas comme un riche dans le mahr. Une femme qui est habituée à vivre dans l'aisance n'est pas une femme qui, la salaine, est d'un rang social plus bas. Le rose dans le mahr n'est pas le même. Bien qu'à la base, la sunna, c'est le meilleur de faire comme le prophète Mohammed s'en il a fait. Des exemples. Sunnaqal. Donc le rose, tu vois, il est là, c'est, il délimite les choses. Parce qu'on n'a pas un texte qui vient pour le faire. Qal. Mu'ajilu al-mahzuri qabla anih. قد باء بالخصلان مع حرمانه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخصلان مع حرمانه يعني هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه que celui qui précipite une chose avant qu'elle vienne à son terme alors il en sera privé وهذا في أحكام الدنيا والآخرة. Ça veut dire quoi? Un exemple. Quelqu'un qui provoque une chose avant qu'elle vienne à son terme d'elle-même, cette chose-là ne l'aura pas. Par exemple, un héritier. Un héritier, un fils, un père très riche. Ce fils veut hériter de son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il provoque la mort de son père pour hériter de lui. Eh bien, ce qu'il aura provoqué causera qu'il n'aura pas d'héritage. Mathalan. Car à la base de vérité, si son père était mort de façon non provoquée par le fils volontairement, le fils aurait hérité du père. Mais du fait que ce fils a précipité la mort de son père pour hériter de lui, il n'aura pas d'héritage. Ou Mathalen, qui donne comme exemple, un mari qui est sur son lit de mort. Il est marié. Jiddan. Il est marié. Et à la fin de sa vie, lui et sa femme l'entendent, c'était pas trop ça. Et il veut pas que sa femme l'hérite de lui. Quand il est sur son lit de mort, il sait qu'il va mourir, et il tend l'arc sa femme pour pas qu'elle hérite. Et bon, on dit, elle héritera quand même de lui. Car lui, il a voulu la divorcer pour ne pas qu'elle hérite seulement, alors qu'il sait qu'elle allait mourir. Du moins, il sait qu'elle allait mourir, il pronostique, il a montré que la mort était proche pour lui. Et là, les ulama disent, bah, s'il a divorcé pour ne pas qu'elle hérite, et bien à ce moment-là, ça ne sera pas pris en compte. Elle héritera de lui quand même. À titre de cela, quelqu'un qui fait le salat avant son temps. Précipite le temps. Avant l'heure, ça là, t'es pas valable. celui qui précipite une chose avant son terme, pour des raisons, soit diniya ou dunyawiya, un haq qu'il a dedans, il ne l'aura pas. C'est quoi la page qu'on peut l'appeler? Comment ça s'appelle? J'ai perdu ma page. Yani, celui qui précipite une chose avant son terme, l'en sera privé. L'en sera privé. La salène également. إذا قتل العبد المدبر سيده le abd al mudabbar c'est le serviteur l'esclave qui a pour pacte que si jamais son maître venait à mourir il serait libre ça le mudabbar son maître il meurt il est libéré et ben lui il vient et tue son maître pour être libéré ben, on dit non tu restes esclave même car ton maître a été tué par ta cause il est mort par ta cause pour que tu sois libéré tu ne seras pas libéré pour cela. C'est une tricherie. Tout ce qui est triche. C'est tricherie. Et ça également, c'est valable dans les arkem de l'akhira, comme il dit. La salen, comme a dit le hadith, man nabis al harir fi dunya lam yalbeshu fi l'akhira. Celui qui s'habille de soie en ce bas monde n'en mettra pas pour l'au-delà. À part celui qui en a mis pour l'excuse. Problème de peau, d'épiderme. Tabib lui a dit qu'il faut que tu mettes de la soie. Des mangeaisons. Arrête d'aller casser autre chose. Là, c'est une daroura. Ou une daroura, tu bais, marvoura, comme on a fait au début du livre. Ou celui, ma famille qui boit du khamr. En cette dunya, il n'aura pas d'eau khamr de l'akhira. Quand il y a akhira, il y a khamr. C'est pas le même. Pas le même. Donc celui qui précipite les choses avant qu'elles viennent à leur terme, il en sera privé par la suite. C'est dunya ou c'est l'akhira. Et le contraire, c'est quoi? Celui qui se prive d'une chose pour Allah, Allah lui repensera par mieux par la suite. Également. Ça va à l'inverse. Qui fait l'effort de passer sur une chose qui lui est difficile, mais surmontable, il délaisse une chose, Allah lui rendra par meilleur par la suite. À titre d'exemple, l'ajra que le musulman y fait. Allah lui repensera par mieux. Par, mathalan, des meilleures fréquentations. Une meilleure application de sa religion, une meilleure compréhension, un meilleur risque. Quand on dit risque, ce n'est pas plus riche, mais ce qu'il aura sera plus proche du halal. Al-Zalika. Ou quelqu'un qui délaisse une chose qu'il avait, qui lui nuisait dans sa religion, pour Allah, Allah lui repensera par mieux, par la suite. Donc ne pas avoir peur de délaisser des choses. Même un ami, que tu penses qu'il est ton ami, et qu'en réalité n'est pas un ami, t'apporte du bien dans ta religion, délaisse-le. Ne dis pas, un test, je délaisse, je serai triste. J'aurai plus d'amis. Allah devra ramener que cet ami-là. T'en avais 10, tu parlais 10, Allah va t'en donner un qui en vaut peut-être 1000. Car nous, tous les pas basés sur, le nombre. Bada hada kol. Wa in ata tahrimu fi nafsi l'amel au shartihi fazu fasadin wa khalal. Wa in ata tahrimu fi nafsi l'amel au shartihi فذو فساد وخلل يعني معنى هذا حكم العبادة الواقعة على وجه المحرم فإن عاد التحريم على نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل qu'est-ce que je veux dire par là que si jamais tu commets un acte interdit dans un acte dans une ibada un acte interdit dans une ibada si cet interdit revient à l'ibada en soi ou à une condition de l'ibada, alors celle-ci sera invalide. À titre d'exemple, quelqu'un fait une salat. Parmi les chouroutes de la salat, ittijah la qibla. Donc il est interdit de ne pas faire face à la qibla dans la salat, à part dans des conditions spécifiques comme dans le safar ou sur une monture. Ça, c'est autre chose. Donc, celui qui se tourne vers autre que la qibla dans sa salat, elle est bâtée. Ou celui qui parle dans sa salat elle devient annulée à la base. Car c'est une chose, c'est une interdiction qui est liée à la salat en soi. Maintenant, tu commets une chose qui est interdite d'une interdiction qui n'est pas liée à l'adoration ou à une condition de l'adoration. C'est autre chose. Mathalan, il est interdit, l'exemple qu'on a pris au début, de porter de la soie. c'est interdit de porter de la soie. Ça ? Maintenant, quelqu'un qui porte de la soie dans la salat ne sera pas pour autant rendu invalide, car l'interdiction n'est pas liée à la salat en soi. Il aura le péché d'avoir porté de la soie, mais on ne pourra pas dire que sa salat elle est bâtin. Ou comme quelqu'un, mathalène, qui fait l'eau dans un récipient d'or. À la base, utiliser sur le récipient est interdit en religion. Maintenant, il fait l'eau dans un ina d'or. Est-ce qu'on va dire que son eau est baratée pour ça? On va dire non. Car ce n'est pas une fonction de l'eau. L'interdiction, c'est d'utiliser ce genre de récipient à la voie du Rumoum. Mais ce n'est pas été spécifié pour l'eau. Le chulot est l'eau. Donc, il aurait le péché d'avoir pris un récipient d'or, mais l'eau, il sera sahih. L'eau qu'il aura fait, ça va sortir car ce récipient d'or n'est pas lié à l'eau en soi. Donc une chose interdite, si elle n'est pas liée à une adoration en soi directement ou à une condition, un pilier de l'adoration, l'adoration inchallah sera valide avec le péché d'avoir transgressé en utilisant cette chose ou avoir commis cette chose. Taswir, porter une sourah, zat ruh. Une image comprenant un être doté d'âme. C'est interdit. Demain, quelqu'un fait une salat, il a sur lui un t-shirt. Par exemple, avec une tête de Mickey. Une tête de Mickey. Est-ce que sa salat, elle est invalide? Elle n'est pas invalide. Il aurait eu le péché d'avoir porté ce vêtement sur lui. La fomada? Taïe, hada. Il ne faut pas que des gens disent, ouais, ça c'est haram, donc ton acte, il est barat. On dit non. Ce n'est pas lié au rokn ou au shart. Ou l'ibada bizati, les sabi, bâti. Ça y est. Bada hada kal. Wa mutlifun mu'zihi laysa yadmanu bada difa'i billati hiya ahsanu. Wa mutlifun mu'zihi laysa yadmanu بعد الدفاع بالتي أحسن. ما معنى هذه القاعدة؟ que quelqu'un qui repousse une chose qui va lui porter préjudice et qui viendrait à abîmer cette chose-là, il n'a pas à rembourser ou à dédommager. Demain, une personne vient pour s'en prendre à toi justement. Un musulman vient pour te frapper. La salène. Toi, tu le repousses. En le repoussant, il tombe. Et il se casse le bras. La salène. Toi, tu n'as pas à le dédommager. Car à la base, tu n'avais que te défendre. C'est lui qui allait te faire du mal. Même s'il n'allait pas se faire exprès. Il allait te nuire. Il y a une situation où il va te faire du mal, même involontairement. Toi, tu l'as repoussé pour te défendre. Et en le repoussant, il s'est blessé. Il n'y a pas de dire. Quand il n'y a pas de dire qu'il l'ait fait exprès ou pas. Alors, s'il l'a fait exprès, mais ben, Aoula, tu n'as pas à rembourser. Un animal pareil, le bétail de quelqu'un. Bon, allez, comme ça. Quelqu'un, il a un troupeau d'animaux. Les animaux, ils vont nuire à ton champ ou à ta personne ou quoi. Tu as trouvé un système pour les repousser. Et ce système a fait que eux, ils auront été. Hein, ils ont été quoi? Ils ont. T'as endommagé ce troupeau. Eh bien, toi, tu n'as pas à dédommager. Repousser un mal, en gros. L'animal atlafa shay'an lidaf adahu lam yadmanhu. Celui qui repousse une chose, qui repousse son mal, il n'a pas à la dédommager. Et il n'a pas à la dédommager. Tu as une telle qaïda ? Soit avec un musulman, un animal, même un objet. Même un objet. Non. Ça y est. T'as compris cette règle là? Non. Ce maqal. Wa el tufidu l'kulla fil humoumi fil jam'i wal ifradika l'alimi. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. Là c'est plus une règle liée même aux règles de Usul al-Fiqh. liée à la langue arabe. Si le elle, on appelle elle, rentre dans un mot singulier, ou même un jam, un pluriel, elle va profiter à un sens général. Elle absorbe toute chose. Même absorbe toute chose. Tout fait de l'estirlar. Parmi nos coins. On dit comme si elle avait le sens de cool. Mafalen, قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il dit quoi? والعصر, par le temps. إن الإنسان, هذا هو الشاهد. الإنسان, c'est l'homme. Donc là, c'est tout homme. Tous les hommes sont menés à la perdition. Tous les hommes. Après, l'exception vient par la suite. Il, sauf qui? Ceux qui ont cru, qui ont vrai de bonnes œuvres et qui s'en joignent. La patience et la vérité. Si on avait dit « la insane, la fille rose », sans rien dire derrière, c'était tous les hommes. Bidoum istisna. Par contre, on aurait dit « inna insanun » sans « elle » qui est « elle » qu'on « elle » certes, une personne dans la perdition, il faut être une personne, pas tout le monde. Après, il aurait fallu définir qui est-il. Et si « elle » y rentre, c'est tous les hommes. C'est l'homme, en fait. Voilà, l'homme est dans la perdition. Comme on dit « inna l'insana » La zalum kafar. Certes, l'homme est injuste et très ingrat. En fait, là, le L, c'est comme si on mettait cool. Inna kull al insan. Ça s'appelle L al istighraq. L al istighraq. C'est celle qui vient pour tout absorber. Car L, tu en as des différentes lettres. Tu as L lil hard, tu as L lil jeans, tu as L. Donc, une fois que les choses ont été prises dans une chose générale, un jugement général, le jugement s'applique sur cette généralité à part si on a un tarsis. Une chose bien spécifiée, sauf ça. Ou sauf ça. Ou sauf ça. Là-bas, c'est que tout est compris, là-dedans. Qal kadhalik. Qal. Et après, dans le. Mathalem, dans le bait, il dit. Fi jam wal ifrad kel alimi. Là, il vient. Sifatil fi asmaillah. Quand elle y rentre, là il le dit. Même si elle dehul elle à la al-mufrad, dehulha à l'asma illah wa sifatih. فكلما دخلت على اسم من اسماء الله وصفات او صفات من صفاته افادت جميع ذلك المعنى واستغلاقته. Donc il dit, مثلا quand elle rentre dans un mufrad, comme par exemple dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses attributs. Donc si elle rentre dans ses attributs, elle englobe tout le sens compris par déduit du nom ou de l'attribut. Mathalan, Al-Alim. Vous voyez, Al-Alim. Al-Alim en français traduit par l'omniscient. Donc c'est Al-Alim, c'est celui qui sait tout. Si on te dit Mathalan, Fulan, Alimun. Et après, d'ailleurs, on précise. Bikada wa kada. Alimun bi maya ta'alak bil kahraba. Fulen, c'est un connaisseur, un expert connaisseur en ce qui concerne al kahraba. Tout ce qui touche à l'électricité. Mais ça, c'est pour la créature. Fulen alim connaît beaucoup de choses. Ma al alim, ça c'est min asma illah, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Vous voyez, il connaît tout. Elle renie celui qui a toute la richesse. Toute la richesse, tout lui appartient. Elle ali ou elle a'la, celui qui souhaite le rouleau, l'élévation, et elle a'la le plus haut. Le plus haut. Et après, c'est dans tous les asma. Il a al-azim, al-kabir, al-jalil, al-jamil, wa ghayr dhalika. C'est ça parmi les choses qui arrivent à différencier entre celui qui a un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est mouchtarik avec la créature. Ce L, là, il diffère. Enfin, le L diffère. Quand c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe toutes les choses. Pour la créature, c'est limité. Pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, tu dis Jaha Muhammadun al-Jamilu. Maintenant, il est venu Mohamed le beau, celui qui est beau. Et celui qui est beau. La beauté, est-ce qu'il a toute la beauté? Non. Al-Jamil min asma'illah. Il a la beauté absolue. Le beau dans l'absolu. Quand même, le beau dans l'absolu. Tout ce que le sens beau, beauté, comporte comme sens, tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'être humain, la créature, non pas forcément. Il peut être beau de façon relative. Sur un point, et d'autres points, il ne l'est pas. Mathalan, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. El a'mal, c'est tous les actes. Enfin, même si tous les actes, car elle, il est rentré. Il m'en a coulé l'armel, le niyat. Et même si on était un moufrad, ça aurait pareil. Il n'y a pas l'armel, le niyat, que l'acte ne vaut que par intention. Coulé l'armel, l'acte entier ne vaut que par intention. Elle armel kazalik. Donc quand elle y rentre dans un moufrad ou dans un jam, yufidu el istiraq, il englobe toute la chose. Summa qal. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم وسياق النهي أو سياق النهي والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي يعني veut dire quoi par là que les mots indéfinis dans une phrase négative, connotation négative, ont un sens général. Elle englobe toutes les choses concernées par cet indéfini. Ou alors dans une interdiction. Mathalan, un exemple de cela. La ilaha illallah. La, c'est nafil jins, ça veut dire rien. Ilaha, à ce moment-là, il est indéfini, il est nakira. Pourquoi il n'y a pas de tanoun? Parce que c'est ismela, là, c'est une autre règle. À la base, il est indéfini. C'est ilahun. Mais quand l'ay rentre dedans, l'ay nafil jims, il le rend mansoub iré tanouin. Il n'y a pas de tanouin. Mais il est là, il n'a qu'ira. Donc là, c'est aucune divinité. Aucune. Din ou endroit d'être adoré, ce n'est Allah. Takou mesalem. Ma ra'aytu ahadan. Je n'ai vu personne. C'est une phrase via nafi. Je n'ai vu personne. Négative. Ahadan, c'est nakira. Il y a tanwin. C'est-à-dire personne. Je n'ai vu personne. Donc à ce moment-là, si tu t'arrêtes là, personne n'a été vu. Une règle générale. Si tu veux maintenant avec un istisna, illa. Là, tu vas faire exception à une chose. Illa zaydan. Sauf zayd. Personne n'a été sauf zayd. Amen. Donc ça t'aide à trouver des juments dans les ahadith quand c'est une chose qui est pour tout le monde ou certaines personnes ou certaines situations. Et c'est pareil avec le nahi, l'interdiction. Avec le nahi, l'interdiction, c'est pareil. Quand une interdiction vient et elle lie une chose qui est indéfinie, elle interdit toute cette chose-là. La scène t'accoule. La tadrib ahadan. Ne frappe personne. C'est interdit en absolu que tu frappes qui que ce soit. Comme quand le ta'ala wa la tadouma allahi ahada. N'invoque personne avec Allah. Ça te montre que, quelle que soit l'invocation que tu fasses pour autre que Allah, elle sera interdite, elle sera du shirk. Quoi que ce soit, un ange, un nabi, un homme pieux, une pierre, un cobre, un wali, comme on a appris tout, tu n'invoques personne avec Allah. Azayat Roulfi. Je regarde si on s'arrête là ou pas. Là, on peut résumer, comme on dit, on peut s'attarder plus que cela, mais. مذكور هذا فقط. كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمع. كذاك من وما tufidani ma'an kull al-umum ya ukhayya fasma'. Qui te dit que là man et ma qui sont des ism mawsul, eux également ils apportent un sens de généralité. Oh mon petit frère, alors écoute. C'est comme ça qu'on traduirait le verbe. Ukhayya, son petit frère. Fasma'a, écoute. Yakul ma'adha. Man wa ma tufidani l'umum al-mustaghraq li kulli ma dakhala alayhi. Tout ce qui rentre dans man et dans ma est concerné par le jugement s'appliquant dans la phrase qui viendrait s'attribuer dessus. Ma, c'est tout ce qui est al-aqil. Et man, tout ce qui est aqil. قال الله عز وجل الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. C'est n'est-ce pas que c'est Allah qui est ce qui est dans les cieux et sur la terre. Car des fois man peut être employé pour le al-aqil et ma a déjà été employé pour le aqil. Là-bas c'est ça, on différencie entre les deux, mais des fois l'un va sur l'autre. Va sur l'autre. Ça veut dire que ce qui est dans les cieux et dans la terre, là il a dit man, tout cela c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois ça peut être ism shart. Là c'est ism mawsul. Mais mana alladhi. Ma vient pour mana alladhi. Et man, quand tu dis ra'aytu man jalasa al-kursi, j'ai vu celui qui s'est assis sur la chaise. Ou taqul ra'aytu ma wudi'a al-kursi, j'ai vu ce qui a été posé sur la chaise. La salan. Et ma ou man peuvent venir comme étant asma short, des mots de condition, dans le jazm. Comme quand l'État Allah, dans l'exemple, il dit man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque, là c'est quiconque, c'est un short, œuvre de façon pieuse, en homme ou en femme, alors qu'il est croyant, alors nous lui attribuerons une bonne vie. Et nous lui donnerons sa récompense encore mieux que ce qu'il a accompli. Donc là, c'est man amila. Min zakarin ou unsa. Il a précisé d'homme ou femme. Même il n'y aurait pas eu min zakarin ou unsa, autre Coran, man, ça aurait oublié tout le monde, homme ou femme. Mais il a précisé qui là ? Wa huwa mu'min. Donc là, ce sera le kafir. Quand on peut dire man, on aurait dit man amila salihan. Fawakaza, min al jannah, par exemple. On avait dit, celui qui œuvre pieusement, il est dans du paradis. Donc déjà, ils vont dire, ben, salihan, une œuvre pieuse, vertueuse, un kafir peut la faire. Donc là, il a bien dit, wahua mu'min, le croyant. Donc ça sort de la généralité, de toute personne, ça sort le kafir. Mais il a précisé, homme ou femme. Même s'il n'avait pas dit, dans autre que le Coran, ça aurait été compris car il a dit man. Et man, ça englobe l'homme et la femme, le grand et le petit. Toute personne. Bon, allez, pour ça. Wa qal, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Et celui qui aura peur du la protection de son Seigneur, il aura deux paradis. Et ça, on sait que c'est que pour les croyants. Le kafir, il n'a pas peur de cela. Et quand bien même ce verset viendrait pour dire cela, dans d'autres versets, c'est précisé qui est concerné par ce jugement. Prends pas un verset, tu fais le jugement dessus direct. D'autres versets, le Coran, il faut faire le Coran. Le Coran vient pour expliquer le Coran. Et après, ça fait plein d'exemples, avec man ou avec ma. Donc tu dis, man fa'ala kaza, fa'ala ou kaza. Tu viens devant les autres, tu dis, celui qui fait telle chose, c'est un man. Yajid Qalami. Orti, Jaïza. Tu as parlé de ton problème. Tu dis, celui qui trouve mon problème, je donne une récompense. Toute personne, normalement. Donc, quelqu'un, il vient, un enfant, il vient, il dit, moi, j'ai ton problème, mec. J'ai trouvé ton stylo. Tu dis, non, toi, t'es petit. Tu dis, attends, t'as dit man. T'as pas dit Nelkibar, mais t'as dit man. Tu vois ? Donc, man, je rentre dedans. Je suis Arakel, t'as dit, quiconque trouve mon stylo, je suis dans quiconque, je trouve ton stylo. Si tu n'as pas précisé, tu dois les donner, sinon, tu aurais été un menteur. Même une femme, elle vient. Elle vient et dit, j'ai tout qu'à la mec. Non, mais toi, t'es une femme. T'as dit comment? T'as dit man. Je rentre dans man. T'as pas dit illa man min al-rijal. T'as dit man tout court sans préciser. Tu rentres dedans. Tu lui donnes. Afalan. Voyez? Ah, et ça, ça rentre plus dans Usul al-Fiqh, Inch'Allah, si Allah nous facilite. Si on prendra Al-Usul, Fi'im al-Usul, on en parlera plus. Et on finit par cette règle qui est وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِذَا يُضَفْ فَفْحَمْ هُدَيْتَ لِشَرْدْ مَا يُضَفْ. Également, un singulier, un mot singulier, lorsqu'il est rendu mudaf, un mudaf ilayhi, il prend le sens du umum. قال يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستعلق جميع المعنى كقولي عز وجل أما بنعمة ربك فحدث. Donc maintenant un mot مفرد, s'il est rendu مضاف, il est rendu مضاف, un مضاف إليه, il prend un jugement général comme un fikol عز وجل, dans le sens où il dit et quant au bienfait de ton Seigneur alors évoque-les. Là c'est tout bienfait. Là, on a dit ni'mat rabbik. Ni'mat, c'est wahida. Mais le Qur'an, c'était attribué à Allah. Moudaf, il est rabbik. Amen. Donc là, ça veut dire toute ni'mat. Tu en parles. T'as comme un salam. Comme le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Anta wa maluk li'abik. Toi, et maluk à la base mal c'est mufrad, ton bien. En fait, c'est tout tes biens sont à ton père. Demain ton père il a vendu une chose qui t'appartient. Chir, de l'autre jour on en a parlé de ça. Que si le fils vient pour voler l'argent du père dans le lieu qui est caché, on ne lui coupe pas la main. Si le père vient voler l'argent du fils, même dans un lieu qui est caché, on ne lui coupe pas la main, on ne dit pas qu'il a volé. Comme celui-là l'imam Ahmed. On ne dit pas il a volé. Pourquoi est-ce que les biens du fils sont au père, s'il en a besoin? Il prend ce qu'il veut. Amen. On ne dit pas il a volé. Même si toutes les conditions sont remplies, qu'il a pris la somme décrétée et qu'il a pris le herzé, c'est-à-dire du lieu où il est caché, il est préservé, surveillé. Le Mahmed, quand elle est, on ne dit pas qu'il l'a volé. Même car ce bien-là appartient aussi au père. Donc, quel que soit le bien du fils, le père peut s'en servir. S'il y a une haja, pour lui, pas pour quelqu'un d'autre, pour lui, le père. L'inverse, non. Mais on ne coupe pas la main du fils. Parce qu'il y a une choubara. Car on dit que le père, à la base, doit dépenser pour le fils. Donc les biens du père, si le fils vient voler l'argent de son père, il aura commis le péché. Son père peut le réprimander, mais on ne coupe pas la main. Parce qu'à la base, le père dépense pour le fils. La femme pour son mari, pareil. Si elle prend de l'argent, ne dit pas la voler l'argent de son mari. Le abd pour son seyyid, pareil. Car il y a une choubaha. Il y a une choubaha dedans. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le muhim pour dire toute chose qui est mudaf, qui a été rendu mudaf, quand même, c'est un mufrad, il est rendu mudaf, il regroupe une généralité. Quand même, c'est d'accord. Un exemple. Takul walidul walad mukarram. Walidul walad mukarram. Le père du fils de l'enfant, voyez, est honoré. Donc tout père est honoré à la base. Tout père qui a un enfant, son enfant doit l'honorer. Pas d'exception. Ahmed. تقول حرام أن يعيش المسلم في بلد الكفر. Il n'est pas permis aux musulmans de vivre en terre de kufr. Ça englobe quoi? Tous les pays de kufr. À part ça, il peut faire sa religion. Un istisna. Pourtant, tu es venu qu'un mufrad. Bled al-kufr. Quelqu'un veut dire quel bled? On a dit bled al-kufr. Ça veut dire tout bled de kufr. Car c'est un mudaf à une chose. Ça veut dire toute cette chose-là, elle est comprise par le jugement. Tout pays de kufr en deux jugements. C'est pas un seul. C'est tout pays de kouf, on précise, dans lequel tu ne peux faire ta religion, et tu es obligé de faire l'hijra. Ayem Tahala ? Ada. Ça, c'est les règles qu'on a pris aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. Qui était ? car je vois le noir sur ton visage, il est sur mon fils, il est sur mon fils, le sommeil. Et quand le sommeil y rentre, tu ne comprends plus rien. Le Ders devient plus une lourdeur qu'autre chose. Donc on a appris quoi ? Que la coutume est plus en considération quand on n'a pas de texte, hein, une situation, tant que cette coutume-là ne s'oppose pas à un texte. On a appris que celui qui précipite une chose avant son terme, pour l'obtenir, il en sera privé. Il provoque une chose avant qu'elle vienne à son terme, il en sera privé. On a appris qu'une chose interdite, si elle est liée à un acte d'adoration en lui-même, ou une condition d'adoration, ou un pilier, et qu'elle a accompli, l'adoration se verra invalide. Par contre, dans le cas contraire, si elle n'est pas liée à cela, elle est indépendante, à part, tu auras le péché, mais tu n'auras pas invalidé ton adoration. On apprend que celui qui repousse une chose pour se préserver d'un mal, se protéger, et que cette chose-là se voit abîmée, il n'a pas remboursé et à dédommager, on va dire. Que ce soit un homme, un animal ou un objet. Il le repousse, qu'elle allait avoir subi un mal, un préjudice, dans cette chose-là, il la repousse en la repoussant de façon correcte. Cette chose-là s'abîme, se casse ou réalise des dégâts, il n'a pas dédommagé. On a dit que elle veut dire le sens de cool lorsqu'elle rentre dans le pluriel, dans le moufrat. Dans le singulier, dans le pluriel. Elle veut dire tout. Elle veut dire toute chose. Aïmsen, Zaloum, et l'homme est injuste, tout homme. Sauf qu'on a une inscription derrière qui vient. On a appris que les nakirat fi siyak an-nafi ou nahi tufidu al-umum. Le siyak, que une chose indéfinie lorsqu'elle vient dans une chose négative ou d'interdiction, c'est toute chose qui est concernée. Et même interrogation également, ça rentre dedans. Talab, ça rentre dedans. Et on a appris que ma et man, lorsque ce sont des asma short ou asma mausoula, c'est parmi les choses qui englobent une généralité également. Tout ce qui rentre dans ma et dans man est pris dans le jugement. Et on a fini par les choses, parce que c'est un moudaf, un moufrod. Moufrod, lorsqu'il est rendu moudaf, alors il a un sens de généralité également. Il regroupe tout le genre de ce mot singulier. Tout le genre de ce mot singulier. Akada. Amam. Fabiadakad naftafi. Wa nakul alhamdulillah rabbil alamin.